toi qui n'ouvre les bras qu'aux désirs des rebelles et qui, malgré les ans, frémit d'avoir nourri du lait riche en ferment de tes sombres maternelles. Échille, Michel-Ange et Dante Alighieri, Michel-Ange, fils d'un siècle ingrat, ne voile pas ta face, ni du temple éternel ne lui défend l'accès. Il ne ressemble pas au quémandeur qui passe, soupesant dans ses doigts l'obol du succès. Quand ton chant fait se fondre en un même délire l'ivresse de la vie et l'amour du tombeau. En moi, je sens monter la tendresse qu'inspire la solitude de l'aigle ou la nuit au corbeau.